Chapitre 8e. Les jours s'écoulaient. Madame Frapkin était venue voir Antonine et s'était étonnée de la trouver à la fois maigrie et d'une fraîcheur extraordinaire. Les yeux brillaient d'un éclat nouveau et les joues avaient pris des teintes rosées que jusque-là personne n'avait vues sur ce visage ordinairement pâle. N'a-t-elle pas la fièvre ? Demanda Madame Frapkin à Madame Kerzhoff lorsqu'Antonine eut quitté l'appartement. Mais non. « Que voulez-vous qu'elle ait la fièvre ?»« Ces jeunes filles, dit la vieille dame, non sans hésiter, sont parfois malades quand on les contrarie. »« Qu'est-ce qui contrarie, Antonine ? Mais vous-même, ma bonne amie ? Ne m'avez-vous pas dit qu'elle aimait Dournoff ? Oh, cet enfantillage ! Il y a longtemps qu'elle n'y pense plus. » Madame Kerzhoff mentait sciemment, car tous les jours, en lui disant bonsoir, Antonine lui réitérait ses supplications. Madame Frapkin savait aussi que c'était un mensonge, car Dournoff lui avait confié tous leurs secrets, en la suppliant de donner de ses nouvelles à la jeune fille, aussi souvent que ce serait possible. Mais à quoi bon réfuter les mensonges de ceux qui ne veulent pas entendre la vérité ? Alors, reprit la bonne dame, vous la mariez à Titoloff ? Certainement. Dans 5 semaines, aussitôt après Pâques, ce sera une jolie noce. Mon gendre fera très bien les choses. Et Antonine, qu'en dit-elle ? Que voulez-vous qu'elle en dise ? Les jeunes filles ne disent jamais rien. Je me souviens pourtant que dans mon jeune temps, répliqua Madame Frapkin, on se faisait un brin de cour. C'était comme ça autrefois, dit Madame Kerzhoff. Maintenant, on se convient avec plus de décence. Alors, vous n'êtes pas obligé de rappeler votre futur gendre quand Antonine s'éloigne ? Je ne sais pas comment vous pouvez avoir de pareilles idées, ma chère, fit Madame Kerzhoff d'un air mécontent. « Mon futur gendre est un homme comme il faut qui ne se permet pas d'inconséquences. »« Tant pis, » dit Madame Frapkin. « Pardon, je voulais dire tant mieux. »« Ah, il ne se permet pas d'inconséquences. »« C'est très bien. Et que dit Antonine ?»« Mais ne vous ai-je pas dit qu'elle ne disait rien ?» fit la maman impatientée. « Rien, à la lettre, rien. »« Ah, je comprends, » fit la vieille dame. « Elle ne lui dit rien du tout. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit ?» Madame Kerzhoff haussa les épaules. Mais sa bonne amie n'était pas d'humeur à la laisser en repos. Sans lui avoir soutiré toutes les informations qu'elle ne pouvait obtenir d'Antonine, attendu qu'on ne laisse jamais celle-ci seule avec personne de crainte d'attaque de l'ennemi. N'aimerait-il pas mieux un peu plus de conversation, votre futur gendre ? Je vous ai dit que M. Titoloff est un homme très comme il faut. Par conséquent, il ne peut qu'approuver cette réserve, que le bon goût commande, en tout cas aujourd'hui comme autrefois. Après s'être vengée par cette pointe, qu'elle crut très acérée, Madame Kerzhoff se préparait à parler d'autre chose, mais son amie la prévint. « Oui, » dit-elle d'un air innocent. « Vous voulez dire que mon pauvre défunt mari et moi, nous n'étions pas des gens de haut parage ? Mon père était un commandeur des Rezov, cependant. Mais chez nous, on était à la bonne franquette, et de père en fils comme de mère en fille, on avait la fâcheuse habitude de se marier par amour. C'est mauvais genre. Chez les gens comme il faut, on préfère les mariages par contrainte. C'est beaucoup mieux porté, je me suis laissé dire. À propos, aurez-vous assez de confitures pour vous mener jusqu'au printemps ? Figurez-vous que j'ai déjà fini les miennes. Il est vrai que la belle jeunesse m'a aidé à les manger. Les liens rompus, Madame Kerzhoff n'était pas assez fine pour amener le premier sujet de conversation. Aussi se creusait-elle vainement la cervelle pour chercher une épigramme. Son amie partit avant qu'elle l'eût trouvée. À la lettre, en effet, Antonine ne disait rien à Titoloff. Un autre en eût été embarrassé, mais le général n'était pas homme à perdre contenance pour si peu. Le général avait appris, sous main, qu'une excellente place allait se trouver vacante, mais il fallait un homme marié pour la remplir. Un homme marié inspire beaucoup plus de confiance à tout le monde et surtout à ses supérieurs, sans qu'on ait bien pu savoir pourquoi. Mais dans ce cas spécial, il fallait un homme marié. Titoloff s'était donc mis en campagne, c'est-à-dire qu'il avait pris une dame de ses amis de lui chercher une épouse jolie, bien faite, avec peu de fortune et surtout cette excellente éducation, morale et instruction comprise, qui est absolument indispensable à la femme d'un dignitaire d'une façon seulement relative, c'est-à-dire borgne, dans le royaume des aveugles. Titoloff n'était pas méchant, il n'était que bête, et encore, ne saurait-on lui imputer ce malheur comme un crime, car ce n'était pas sa faute. Et avec les efforts les plus consciencieux, il n'eût pu s'en corriger. Mais ce pénible travail qui consiste à essayer de se débarrasser de ses défauts lui avait été épargné. La providence bénigne lui avait départi, au lieu d'esprit, un inaltérable contentement de soi-même et des autres. Il était optimiste en tout, surtout en ce qui le concernait, et trouvait Antonine parfaite. N'ayant fait jusque-là de cours qu'à des personnes tout à fait indignes d'être autrement mentionnées ici, il ne savait comment courtiser une jeune fille et préférait de beaucoup la conversation de ses futurs beaux-parents avec lesquels il échangeait, sans broncher, les aphorismes les plus saugrenus. Tel était le mari que les Karzov avaient choisi pour leur fille. Antonine avait pensé à prier Titolov de retirer sa demande, mais la bêtise et la fatuité incurable de ce personnage lui avaient démontré d'avance l'inutilité de sa tentative. Que lui restait-il à faire? C'est ce qu'elle se demandait toutes les nuits pendant les moments de solitude qu'on ne pouvait lui refuser. La Niania venait alors s'asseoir sur le pied de son lit et pleurait silencieusement en voyant les pensées amères et douloureuses passer sur le visage de son enfant chéri, toujours muette. La vieille femme n'avait pas besoin de converser avec Antonine pour savoir ce qui la rendait si morne. Elle devinait les mouvements de son âme au froncement des sourcils de la jeune fille, à l'agitation de ses mains fiévreuses ou à leur molle inertie. Lorsque, lasse de se débattre dans une situation sans issue, elle se disait qu'il n'y avait plus pour elle d'autre recours que la mort. La mort à 19 ans. La première fois qu'Antonine envisagea de près cette pensée, jusqu'alors seulement entrevue, elle tressaillit d'épouvante et n'osa l'aborder. Mais peu à peu, la mort sanglante ou hideuse disparut de son esprit. Elle songea à une mort poétique, lente, entourée de soins. La mort qui met une auréole au front des jeunes filles, qui semble un passage insensible de la terre au ciel, dont on ne voit pas les souffrances, et qui permet de se détacher doucement de ce qu'on a aimé. Le carême était extrêmement froid cette année-là. Antonine, dévorée par la fièvre, avait pris l'habitude de garder sa fenêtre ouverte un instant le soir lorsqu'elle rentrait dans sa chambre afin de rafraîchir l'air tiède et lourd des demeures russes. La Niania avait bien soin de fermer tout, mais pendant qu'elle participait au tardif souper des gens à la cuisine, Antonine rouvrait le carreau double et restait là, en contemplation devant les étoiles, recevant avec délice le vent glacé qui rafraîchissait l'embrasement de ses veines. Au moindre bruit, elle fermait le carreau comme une coupable. Coupable, ne l'était-elle pas? Un peu de tout, se déclara au bout de quelques jours. La fièvre augmenta et Madame Karzov exigea que sa fille gardât le lit. Antonine s'y soumit sans résistance. Elle était mieux au lit qu'ailleurs, car Titolov ne viendrait pas la voir dans sa chambre, elle en était sûre. Le docteur vint, trouva une légère irritation de poitrine et prescrivit une potion que Madame Karzov vint donner elle-même toutes les heures à sa fille. Dès le lendemain, Antonine allait beaucoup mieux. Elle put se lever et obtint même pour les jours suivants la permission de sortir, à condition qu'elle prendrait des poudres qui furent durement apportées dans sa chambre. Titolov montra une joie très vive en voyant sa fiancée remise et lui apporta un bouquet magnifique et une loge pour le cirque, car le cirque est un divertissement permis en carême. Jusqu'à ces dernières années, les théâtres étaient fermés pendant ce temps de pénitence.